إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد Donc, alhamdulillah, je remercie Allah subhanahu wa ta'ala qui nous donne cette opportunité aujourd'hui de parler d'un sujet qui est un sujet très important et c'est la défense des hommes de la sunna, des hommes de science et de clarifier la vérité pour les musulmans dans le but de faire en sorte que la vérité soit encore plus claire qu'elle est déjà et dans le fait de le fait de réfuter le mensonge et la fausseté et de faire en sorte que les gens soient capables de distinguer encore plus facilement entre ce qui est vrai et ce qui est faux. Et donc j'avais commencé il y a de ça quelques mois, on avait parlé de ce sujet là la réponse à ceux qui appellent les salafis madakhila. Et on avait fait la première partie de ce sujet et on avait clarifié certains points et établi certains principes et certaines bases pour arriver à mieux comprendre la question. Parce que les gens de Hizbiya, les gens de Bid'a, dans les différentes catégories de Bid'a qu'ils suivent aujourd'hui, ils ont des moyens et des ruses pour essayer d'éloigner les gens de la voie de Ahlus Sunnati wal Jama'ah. Et parmi ces ruses, c'est d'essayer d'utiliser des noms, des sobriquets et des surnoms pour essayer de faire fuir les gens de suivre la vérité, de suivre la voie des salaf al-salih. Comme on l'a vu à la fin du dernier cours, on expliquait l'exemple des soufis et des ajaira et des différentes firaq comme les ahbash et autres qui pour faire éloigner les gens du tawhid et de la voie des ulama du tawhid et de la voie d'ahl sunnah wal jama'a et du manhaj des salaf al-salih vont qualifier ceux qui appellent au tawhid et à la sunnah et qui réfutent le shirk et les bid'ah, ils vont les appeler des wahhabiyya. Par référence au Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, rahimahullah. Et donc, ils essaient de les appeler de cette façon-là pour faire croire aux gens que c'est une secte, les Wahhabites, que c'est une secte, et que ce sont des gens qui appellent à quelque chose qui est contraire au Coran et à la Sunna. Et donc, lorsqu'on leur demande et lorsqu'on leur pose des questions pour leur demander de clarifier, qu'est-ce que c'est la wahhabiyya? Eh bien, c'est là que tu vois que leur mensonge se dévoile par lui-même. Et lorsqu'on leur demande encore un peu plus de détails, comme par exemple de leur demander des explications sur les choses exactes, les détails précis dans lesquels le Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab et ses élèves ont dévié ou ont contredit le Coran et la Sunna, qu'est-ce que c'est ces points-là, de les mentionner et de les citer, et là tu vois que leur mensonge se dévoile complètement, puisqu'ils n'ont pas d'exemple valable à donner pour faire éprouver leur point et pour essayer de faire croire aux gens qu'ils sont sur quelque chose contraire à la vérité. Donc la vérité c'est quoi à ce sujet-là? C'est que le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab et ses élèves et ceux qui l'ont suivi jusqu'à aujourd'hui, ce sont des gens qui appellent au Coran et à la Sunna et à rien d'autre. Et à la compréhension des salaf al-salih et rien d'autre que ça. Et les choses qu'ils se font reprocher de la part des gens de l'innovation, c'est justement de ne pas suivre les innovations que ces gens-là ont inventées dans la religion d'Allah. Et donc, à notre époque, on a vu de la part de certaines tendances la même chose. Mais à propos de d'autres ulama contemporains qui ont démasqué et dévoilé leurs égarements. Par exemple, qu'est-ce qu'on voit maintenant à propos, qu'est-ce qui est dit à propos du Cheikh Rabi al-Madkhali, qu'est-ce qui est dit à propos du Cheikh Mohamed Aman al-Jami, et tous ceux qui suivent le Coran et la Sunna et la compréhension des salaf al-Salih, aujourd'hui on les appelle des Jamiyah, ou bien on les appelle des Madakhila. Et donc, on veut savoir premièrement, qui sont ces gens qui appellent les salafis des Jamiyah ou bien des Madakhila aujourd'hui? Eh bien, quand on observe et quand on regarde, eh bien, on constate que ce sont des individus qui font partie de groupes, qui font partie de jama'at ou de sectes bien précises et bien spécifiques, qui ont une méthodologie qui est en contradiction avec le Coran et la Sunna. Et parmi les exemples qu'on peut nommer, parce qu'à notre époque, on voit que le nombre des gens qui s'opposent aux salafis sont de plus en plus grands, sont de plus en plus nombreux, et les gens qui tombent dans la Hizbiyya sont nombreux aussi. Donc, on va donner quelques noms, quelques exemples pour que les gens puissent comprendre. Donc, parmi les groupes et parmi les tendances qui appellent les salafis des Madakhila à notre époque, on a par exemple la voix de ceux qu'on appelle al-Ikhwan al-Muslimoun, les frères musulmans. Et eux, c'est un des groupes qui probablement un des pires parmi les sectes et les groupes de déviation qui existent à notre époque. Et c'est parmi les groupes de cette tendance qu'on a commencé à entendre ces appellations-là. On a entendu appeler ces gens-là les salafis des Madakhila. Et étant donné que les Ikhwan ont différentes images, différents visages, ils sont comme des caméléons, ils s'adaptent à différentes tendances, et bien parmi eux, il y a des gens qui se font passer pour des salafis, ou qui essaient de montrer qu'ils ont un attachement à la Sunna, et on a vu apparaître donc des groupes parmi eux, comme ceux qu'on appelle aujourd'hui les Sururiya, qui suivent Mohamed Zain Abidine Surour, ou bien ceux qui suivent, par exemple, aussi également ces Qutb parmi les certains musulmans de l'Arabie Saoudite et d'autres qui sont en train de prendre comme référence ces Qutb et ces livres. On les appelle les Qutbiyya, et ils sont alliés avec les Sururiya, c'est le même groupe, puisque Mohamed Surour lui aussi prenait référence sur ces Qutb aussi dans ses idées. Et ils l'ont élevé au niveau de imam dans la religion, alors que c'était un écrivain, un journaliste, qui n'a jamais étudié la science avec les ulama et qui a fait de graves erreurs dans les fondements de la aqida dans ses livres. Et malgré tout, il continue à le vénérer et à le glorifier et à faire de lui un imam parmi les imams de la religion. Sallallahu alayhi wa sallam. Et donc, parmi les gens qui font partie de ces groupes-là ou de ces tendances-là aujourd'hui, il y a plusieurs personnes, plusieurs noms dont vous avez sûrement entendu parler en Arabie Saoudite et ailleurs également. Parmi ceux qui ont ces shubuhat et ces tendances, il y a par exemple, et on va en nommer quelques-uns, il y a Salman al-Ouda, que vous avez sûrement entendu parler, Safar al-Hawali, deux parmi les Hizbiyyin en Arabie Saoudite qui ont défendu et supporté et propagé la voix des Ikhwan et la voix des Sururiya là-bas. Et il y a également la tendance de ce qu'on appelle Al-Qaïda, ceux qui suivent Osama bin Laden et Al-Zawahiri, Ayman al-Zawahiri, hein, qui sont ceux qu'on appelle les Jihadiyya, hein, ou les Jihadiyyin. Donc eux aussi font partie de ceux qu'on appelle les Qutbiyyin, les Takfiriyyin. Hein, ce sont les groupes qui suivent les voies et la compréhension des Khawarij à notre époque. Donc tous ces groupes-là, ils ont un point en commun, c'est qu'ils sont tous d'accord sur le takfir des dirigeants et yani sur la voie des Khawarij, et de suivre la voie des Khawarij. Donc si vous vous demandez qui traite les salafis par ces noms-là, hein, appellent les salafis des Jamiya, ou bien ils appellent les salafis des Madakhila, eh bien la réponse est celle que vous avez entendue. C'est-à-dire, ce sont des Khawarij Takfiriyin qui suivent les voies qu'on a mentionnées, par exemple. Et il y en a beaucoup d'individus aussi parmi les du'ats contemporains qui sont apparentés à ce mouvement-là. Et on peut en nommer quelques-uns, par exemple, comme par exemple Abu Ishaq al-Huwayni, hein, qui fait partie de ceux-là, et Mohamed Hassan également. Et il y en a d'autres aussi parmi les gens de Hizbiyya qui défendent la Hizbiyya, comme Abdurrahman Abdul Khaliq et Ihya al-Turas au Koweït. C'est un Égyptien, mais qui vit au Koweït. Qui d'autres encore? Il y en a beaucoup d'autres parmi ceux qui suivent ces tendances-là. Et il y a d'autres qui se sont rajoutés à ces voix et qui défendent les Hizbiyyin maintenant, qui défendent les gens de Bid'a comme Adnan Ar-Our et Al-Halabi, Ali Al-Halabi, également Mohamed Al-Ma'ribi, Abu Al-Hassan Al-Ma'ribi, au Yémen, celui qui est égyptien d'origine mais qui est établi au Yémen. Il y a aussi le Marocain qui s'appelle Al-Maghraoui, hein, Mohamed Abdurrahman al-Maghraoui, qui suit aussi cette tendance de takfir aussi. Et il y a également beaucoup d'autres aussi, Mohamed Hussein Yaqoub, et toutes ces tendances parmi ceux qui sont rentrés aussi, on les a vus apparaître dans les manifestations et les révoltes qui se sont produites dans les pays arabes. Dernièrement, leur visage est devenu encore plus démasqués, et on a vu encore plus clairement leur attachement à ces tendances d'égarement et de déviation parmi ceux qui sont soit descendus dans les rues avec les manifestants pour participer aux manifestations, et en faisant ça, ils ont montré clairement qu'ils sont en opposition avec la voie des salaf al-salih et en opposition avec la méthodologie des savants d'Ahl-Sunnah, et aussi le fait que certains d'entre eux sont même allés jusqu'à rentrer dans les élections et même jusqu'à entrer dans le parlement égyptien et dans d'autres pays également. Donc c'est la même chose, hein? Et parmi ceux qui nomment ces gens-là en Occident, il y en a plein de petits satellites de ces grosses têtes qui sont dans les pays arabes qui eux aussi transmettent les tendances de ces gens-là. Et par exemple, il y en a un qui a même osé, au début il se cachait, hein, il ne voulait pas oser parler de ça, mais aujourd'hui c'est devenu clair, il s'est exprimé ouvertement sur ça, et on a vu en réalité son vrai visage, c'est celui qu'on appelle Bachir, le Tunisien, qui était à Paris, puis qui est maintenant en Tunisie, et qui a répondu à certaines questions. Je pense que c'était à la télévision ou je sais pas où en Tunisie, s'est enregistré, et même on voit cette vidéo qui est posée sur YouTube aussi, dans laquelle on lui pose la question qui sont les Madakhila, et là on le voit répondre et dire n'importe quoi, des faussetés, des mensonges, des fausses accusations à propos du Cheikh Rabi et à propos de ceux qui le suivent et des calomnies et des mensonges. Donc, ça c'est juste pour vous donner une idée qui sont ces gens-là. Peut-être que vous allez voir, en regardant ces gens-là, vous allez dire, oui, ce sont des gens qui lisent parfois ou se réfèrent à des livres des savants de Ahl-Sunnah, qui se réfèrent à des livres ou à des écrits des savants, comme par exemple Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, ou l'imam ibn al-Qayyim al-Jawziyyah, ou bien que lorsqu'ils parlent, ils vont mentionner par exemple le nom de Cheikh bin Baz, ou le nom de Cheikh al-Albani, ou de certains des ulama, mais sachez que tout ça c'est de la poudre aux yeux, puisque la réalité c'est que ces gens-là sont en opposition avec la méthodologie de ces savants-là, et le fait qu'ils citent ces noms-là, hein, il ne faut pas que vous soyez trompés par ça. On va mentionner plein d'exemples là-dessus et clarifier et aller la vérité à ce sujet-là aussi, Inch'Allah. Parmi les gens qui ont accepté la salafia dans les années passées, dans les décennies passées, il y en a qui sont rentrés dans la salafia pour différentes raisons. Il y en a qui sont rentrés avec science, avec compréhension, qui sont partis étudier avec les ulama pour essayer de comprendre et de connaître la réalité du manhaj et de la aqidah des salaf al-salih en étudiant avec eux. Et ceux-là ont appris la salafia et compris la salafia de façon générale et globale dans tous ses aspects. Mais il y a d'autres personnes qui ont étudié ou appris la salafia et qui ont été attirées par la salafia par une partie de ce qui est enseigné par les salafs, mais qui ont seulement gardé une partie et qui n'ont pas pris le manhaj au complet. Et c'est pour ça que ça crée des choubouhats dans l'esprit de certains. Il y en a qui ont été attirés ou séduits par la voix des salafs sur le fait qu'il n'y a pas d'attachement aveugle à un individu autre que le prophète sallallahu alayhi wa sallam et les textes du Coran et de la Sunna, et qu'on ne va pas suivre aveuglément un madhab parmi les madhahib, hein, et il dénonce le taqlid et des choses de ce genre. Il y en a qui ont été fascinés par ça. Il y en a d'autres qui ont été fascinés par les questions de l'authentification des hadiths et le fait de retourner aux preuves et le fait de faire le tahrij et le tahqiq des livres et des références. Et ils sont entrés dans la salafia de cette façon, sans toutefois avoir une compréhension générale et globale de tous les aspects et de tous les principes de la voie des salaf al-salih. Et c'est des exemples que je vous donne pour vous faire comprendre que certaines personnes ont pris une partie de la salafia ou certains points dans la salafia, mais ils n'acceptent pas la salafia dans sa totalité et dans sa globalité. Et c'est pour cette raison-là que vous allez trouver de la part de certains des choses qui sont correctes et des choses qui sont en opposition avec les fondements des salafs as-salih. Hein? Donc c'est pour ça qu'il faut faire attention. Et qu'il ne faut pas accepter d'une personne sa prétention d'être un salafi jusqu'à ce que vous ayez su, hein, et qu'on ait confirmé que cette personne-là, elle n'a pas seulement accepté certains éléments de la salafia, mais tous les éléments et tous les principes et les fondements de la salafia et des salaf as-salih en entier. Maintenant, on va commencer, Inch'Allah, à rentrer dans la question de façon un peu plus personnelle, si on veut, ou plus intime, pour essayer de comprendre réellement de qui on parle quand on parle de Cheikh Rabi al-Madkhali, ou quand on parle de Cheikh Mohamed Aman al-Jami, hein, et de ces deux grands imams. Qu'est-ce qu'on parle, hein? Et de parler de ces deux hommes-là aujourd'hui, hein, venant de moi, par exemple, je ne me considère pas à la hauteur même de mentionner ces deux grands cheikhs, parce que franchement et sincèrement, ce sont deux montagnes de science, deux montagnes de connaissances et de piété. Et à mon niveau, franchement, et à mon âge aussi, je ne pèse pas le poids dans la balance à côté d'eux. Il n'y a pas de doute que ces deux hommes-là ont vécu plus que la moitié, hein, plus que le double de ma propre existence sur cette terre, hein, lorsque j'étais même pas encore né, et ils avaient déjà plus que mon âge actuel. Donc c'est pour dire plus que le double de mon âge. Donc c'est pour dire que ce sont des hommes qui aujourd'hui, je pourrais être non seulement je pourrais être leur fils, je pourrais être leur petit-fils, même leur petit-petit-fils, hein, puisque j'ai des grands-parents qui ont yani, le même âge qu'eux. Donc c'est pour dire que yani, on leur doit le respect de ce point de vue-là. Juste pour vous mentionner le fait que dans la biographie, et c'est ça ce qu'on va lire maintenant, la biographie du Cheikh Cheikh Rabi ibn Hadi al-Madkhali, il est né, le Cheikh, rahimahullah, en l'an 1352, qui correspond approximativement à l'an 1933, hein, lorsqu'on le convertit dans le calendrier grégorien. Donc, 1933, dans le calendrier grégorien, dans le calendrier islamique, calendrier Hijri, il est né en 1352. On est en 1434 aujourd'hui dans le calendrier musulman. Si on soustrait 1434 à 1352, le cheikh aujourd'hui a 82 ans. 82 ans. Et dans le calendrier grégorien, 2013 moins 1933, ça fait 80 ans. Hein? On sait qu'il y a une différence de jours dans le calendrier islamique, donc ça fait moins dans le calendrier grégorien. Alors, il aurait dans le calendrier grégorien 80 ans aujourd'hui, le cheikh, rahimahullah. Tandis que le cheikh Mohammed Aman al-Jami, rahimahullah, il est né en 1349, c'est-à-dire 3 ans avant Cheikh Rabi' al-Madkhali. Et c'était un des professeurs de Cheikh Rabi' al-Madkhali. Donc les deux hommes, hein, ont de l'âge. Ce sont pas des jeunes de notre âge, hein, ou bien des gens qui sont nés hier. Ce sont des gens qui ont vécu plus que 60 ans, même plus que, je dirais même 75 ans, et plus peut-être depuis l'âge de 5 ans, ils étudient l'islam. Depuis l'âge de 5 ans, ils ont commencé à étudier les sciences islamiques. Ils ont grandi dans la science et dans des familles de sciences. Donc, dans l'introduction d'un livre, Hukm al-Muzaharat, حوار مع الدكتور سعود الغنيسان. Donc il y a ce livre qui a été écrit par le cheikh, dans lequel il réfute un docteur en Arabie Saoudite qui défend les manifestations. Donc le cheikh, il a écrit cette réfutation là et un de ses élèves, cheikh Abu Hammam Muhammad ibn Ali al-Sawma'i al-Baydani, il a écrit une petite introduction à ce livre avec la biographie du cheikh dans l'introduction. Et c'est un résumé de biographie du cheikh. Donc il dit en commençant: هو الشيخ العلامة المحدث المسند ربيع ابن هادي ابن محمد عمير المدخلي ولد في بداية عام 1352 52 و300 و1000 بقرية الجرادية قرب مدينة صامتة، ونشأ في حجر والدته رحمه الله، لأن والده قد توفي رحمه الله بعد مولده بسنة ونصف، وكان عمه يشرف على تربيته، فتربى على مكارم الأخلاق وشيم الرجال والخصال الحميدة من الصدق والأمانة والمحافظة على الصلاة. Donc le cheikh al-allama, le savant de hadith, le muhaddith, il a le musnad parce que il a l'isnad des sunan et des sahih, des sahihain et des sunan, hein? Il a la chaîne de transmission qui a été transmise de ses shuyukh, de la récitation de tous les livres de hadith, des sunan. Donc il est un musnad. Et son nom c'est Cheikh Rabi', fils de Hadi, fils de Muhammad Umair al-Madkhali. Il est né au début de l'an 1933 dans un village qui s'appelle Al-Jaradiyya, proche de la ville de Samita. Et il a grandi dans la maison de sa mère, rahimahullah, parce que son père est mort avant, avant sa naissance. Un an et demi, son père est mort après sa naissance, un an et demi après sa naissance. Donc il a grandi sans son père, parce que son père est mort un an et demi après sa naissance. Et c'est son oncle qui s'occupait de son éducation, et il a donc grandi sur la noblesse de comportement et de caractère des hommes, avec les caractéristiques louables de la véracité, de la confiance et du fait de garder, de préserver sa prière et ses salawat. Donc ça, c'est juste pour comprendre en commençant de qui on parle. Hein. Parmi les shuyukh du cheikh, il y en a plusieurs. Le cheikh, il a un grand nombre de shuyukh. Et parmi les premiers, le cheikh dit فَأَوَّلُ مَشَيْخِهِ أَوَّلُ مَنْ أَخَذَ عَلَيْهِ بعد تعلم الخط والقراءة هو الشيخ محمد ابن محمد جابر المدخلي رحمه الله حيث قرأ عليه القرآن الكريم وكذا درس عليه علمي التوحيد والتجويد. Donc ici on voit que le cheikh, son premier professeur, celui de qui il a pris la science, et qu'après avoir appris à écrire et à lire, son premier cheikh, c'était Cheikh Mohammed ibn Mohammed Jabir al-Madkhali, rahimahullah. Et donc, il a appris donc à réciter le Coran, et il lui a récité le Coran à ce cheikh, et il a également étudié avec lui, il a également étudié la science du tawhid et la science du tajwid, la récitation du Coran selon les règles. Ici, je vais faire une parenthèse, et ça va être une grande parenthèse. Ça va être une assez longue parenthèse, parce que je pense que c'est très important, non seulement de savoir le cheikh, qui il est, mais également de savoir qui sont ses professeurs, qui sont ses chouyours, et non seulement qui sont ses chouyours, mais étant donné qu'on explique ou qu'on répond à ceux qui appellent les salafis des madakhila, c'est bien de savoir qu'il n'y a pas que Cheikh Rabi' qui s'appelle Madkhali, comme on l'a expliqué au dernier cours. Madkhali, c'est une tribu du sud de l'Arabie Saoudite, et il y a donc un grand nombre de personnes qui ont comme nom de famille Al-Madkhali. Ce qu'on appelle des madakhila, justement, c'est cette tribu-là. Et parmi cette tribu, il y a un grand nombre de shuyukh et de savants, hein, dans le passé et aujourd'hui. Et donc, j'aimerais faire une petite parenthèse ici pour, justement, non seulement parler du Cheikh Rabi' al-Madkhali, mais également parler de ses shuyukh, hein, de qui il a étudié, avec qui il a étudié. Comme vous avez vu que son premier professeur, c'était le Cheikh Mohammed ibn Mohammed Jabir al-Madkhali. Qui était ce cheikh, hein, on va le lire aussi, et d'autres également parmi les chouyours avec qui il a appris dans la ville, dans sa ville natale également. Et aussi je veux également qu'on parle pas seulement de Cheikh Rabi al-Madkhali par la suite, mais également d'expliquer parmi les chouyours qui viennent de cette ville et qui ont ce nom-là. Parmi ceux qui sont connus aujourd'hui, comme par exemple le Cheikh Zayd al-Madkhali, hein, qui vit encore dans la ville de Samita, près de Jazan, hein. Également le Cheikh Mohammed ibn Hadi al-Madkhali, qui lui aussi vient de cette région-là, hein. Et il y en a qui les confondent, il y a des gens qui pensent qu'ils sont tous la même personne, hein. Quand tu leur dis Cheikh Mohammed ibn Hadi, ils pensent que c'est la même chose que Cheikh Rabi' ibn Hadi. Et ils pensent que c'est la même chose que Cheikh Zayd al-Madkhali. Donc, il faut qu'on sache que non, ce ne sont pas la même personne, ce sont différents chouyours. Et ça, c'est trois parmi les chouyours qui portent ce nom, et il y en a d'autres également. Donc, juste pour savoir un petit peu plus sur qui sont les shuyukh de Cheikh Rabi', on va retourner maintenant yani dans l'histoire un petit peu pour comprendre d'où est-ce que la science de cette région-là vient. Il y a un cheikh qui vient de la région qu'on appelle Al-Qasim. Al-Qasim, c'est une des régions de l'Arabie Saoudite. Et il y a un cheikh à l'époque, il est né en 1315 de la Hijra, hein, 1315, et ce cheikh, il s'appelle le cheikh Abdullah ibn Muhammad ibn Hamad al-Qar'awi. Hein, c'est un des shuyukh qui a fait un grand travail pour établir la da'wah salafia dans le sud de l'Arabie Saoudite. Hein, et c'est lui un des précurseurs qui est parti là-bas et qui a combattu plein de bid'ah et plein de superstitions et qui a établi une école ou même plusieurs écoles dans le sud de l'Arabie Saoudite et qui a fait en sorte qu'il y ait une da'wah salafia très forte dans le sud de l'Arabie Saoudite. Donc c'est le cheikh Abdullah ibn Muhammad ibn Hamad al-Qar'awi. Donc on va lire un petit peu de sa biographie pour comprendre qui sont ses élèves, hein, et si on comprend qui sont ses élèves, on va comprendre par la suite d'où le cheikh a étudié et avec qui le cheikh Rabi' a étudié, et de même que ses contemporains dans le sud de l'Arabie Saoudite. Donc, à propos du cheikh Abdullah ibn Muhammad ibn Hamad al-Qar'awi, le cheikh dit هذا لقب لجده نسبة إلى قرية سكنها يقال لها القرعاء تابعة لمدينة بريدة. Donc c'est, on l'appelle Al-Qar'awi, c'est attribué à une ville où son grand-père habitait, qui s'appelle Al-Qar'a, qui est associé à la ville de Bureida. Wulida rahimahullah fi sanat 1315. Donc il est né en 1315, le 11e jour du 12e mois. Hein, rahimahullah. Wa min hamalati sunnah, kana min hamalati sunnah wa du'at ilayha fi dhalika al-waqt. درس على أيدي علماء أجلاء في بلاده نجد وفي غيرها ورغب بأن يكون من الدعاة إلى الله ومن المجددين لدين الله نصرة للحق ومن الدالين على طرق الهدى من الضلال والشرك من التوحيد ومن المحذرين من السيئات التي تكون سببا في غضب الكبير المتعال جل جلاله وشاء الله سبحانه وتعالى أن يكون رحمه الله من الدعاة إلى سبيله في المنطقة الجنوبية وذلك بمشورة من شيخه آنذاك مفتي الديار السعودية الشيخ محمد بن إبراهيم وذلك بعدما قص عليه رؤياه التي رآها في منامه أشار عليه الشيخ بأن يذهب إلى المنطقة الجنوبية فوصل إليها وأناخ رحاله في مدينة جازان عام 1358 هجريا ومن ثم أدلف بعد ذلك إلى مدينة صامطة فنفع الله به أهالي هذه الديار فتعلموا منه الكتاب والسنة وتفقهوا في دين الله على يديه وعلى رأسهم فضيلة الشيخ حافظ بن أحمد الحكمي والشيخ أحمد بن يحيى النجمي والشيخ عمر جردي المدخلي ومحمد بن أحمد الحكمي وغيرهم من العلماء الذين أعز الله بهم السنة وقمع الله على أيديهم البدعة فرحم الله من قد مات منهم وغفر الله لمن هو باق على قيد الحياة وأحسن لنا ولهم العافية مات فضيلة الشيخ عبد الله القرعاوي رحمه الله وأسكنه فصيح جناته في مدينة الرياض يوم الثلاثاء الموافق عام 1389 اليوم الثامن من الشهر الخامس. Donc, qu'est-ce qu'il dit le cheikh ici? ici, il explique sa biographie. Il dit qu'il faisait partie des gens qui appelaient à Allah, parmi les gens qui portaient la sunna à cette époque-là. Il a étudié avec de nombreux ulama au Najd et également à l'extérieur de son pays. Il a même étudié en Inde, rahimahullah. Il est même parti étudier jusqu'en Inde, rahimahullah. Et parmi les grands shuyukh avec qui il a étudié avec le Cheikh Mohammed ibn Ibrahim al-Sheikh, et le Cheikh Saleh ibn Abdel Aziz al-Sheikh, et le Cheikh Abdullah ibn Mani', et le Cheikh Abdullah ibn Salim, et le Cheikh Omar ibn Salim, et le Cheikh Abdel Aziz ibn Bashar, et le Cheikh Mohammed ibn Mani'. En tout cas, il a étudié avec plusieurs parmi des grands savants, Abdullah al-Anqari et d'autres également. Et il a voyagé, comme j'ai dit, il est parti dans plusieurs endroits pour étudier, même jusqu'en Inde, rahimahullah. Il a eu le désir de partir faire la da'wah dans le sud pour appeler à la guidance et pour clarifier le tawhid aux gens et pour les avertir contre les péchés également. Il a vu dans un rêve une vision comme si il allait dans le sud de l'Arabie pour faire la da'wah, et il en a parlé avec le Cheikh Mohammed ibn Ibrahim qui était son Cheikh à l'époque, et le Cheikh il lui a dit de partir et d'aller là-bas pour faire sa da'wah. Donc il est parti dans le sud, dans la ville de Jazan, et il s'est installé là-bas en 1358. Presque à la même époque de la naissance du Cheikh Rabi' al-Madkhali. Et c'est là qu'il s'est installé par la suite également à la ville de Samitra. Et c'est là qu'ils ont établi une école et il a enseigné le Cheikh le Coran et la Sunna. Il a enseigné la religion là-bas et il a eu plusieurs élèves. Donc, parmi ces élèves qui sont nommés ou qui sont mentionnés, il y en a plusieurs. subhanallah. Des grands savants comme le Cheikh Nasir Khaloufa ibn Muhammad Tayyash, Cheikh Muhammad ibn Muhammad ibn Jabir ibn Hadi al-Madkhali, Cheikh Mansour ibn Mansour ibn Muhammad Musawi Bahloul al-Madkhali, le Cheikh Mar'i ibn Ahmad ibn Abdu al-Qahtani, le Cheikh Hassan ibn Muhammad al-Najmi, الشيخ حسين بن محمد النجمي، الشيخ عثمان بن يحيى حملي، الشيخ حسن بن يحيى حملي، الشيخ محمد بن عثمان بن علي بن أحمد طاهر نجار، الشيخ حافظ بن أحمد الحكمي، الحافظ حكمي، il était un de ses élèves également. Et il y a le frère de Cheikh, le grand frère de Cheikh Hafiz Hakami, Cheikh Mohammed ibn Ahmed al-Hakami, Cheikh Hussein ibn Abdullah al-Hakami, Cheikh Jabir ibn Nasir, Cheikh Jabir ibn Nasir al-Madkhali, ça c'était également un des élèves du Cheikh, le Cheikh Omar ibn Ahmed Jardi al-Madkhali, le Cheikh Ahmed ibn Mohammed Jabir al-Madkhali, un autre également parmi les élèves du Cheikh al-Qar'awi, Muhammad ibn Muhammad, lui c'est Ahmed ibn Muhammad al-Madkhali, le Cheikh Jabir ibn Sulayman al-Madkhali, le Cheikh Hadi ibn Hadi al-Madkhali. Donc tous ceux-là sont des exemples des élèves du Cheikh. Il y a également parmi les shuyukh de Cheikh, il y a également le Cheikh Abdullah ibn Abdul Aziz al-Aqil, celui qui est bien connu, le Cheikh Abdullah ibn Abdul Rahman al-Bassam, également qui faisait partie de ses élèves aussi. Donc il a eu beaucoup d'élèves, et donc on va lire la biographie de certains d'entre eux pour que vous puissiez comprendre un peu plus qui sont les références donc des ulama chez qui Cheikh Rabi' Al-Madkhal a étudié dans sa ville natale. Donc, premièrement, un des plus grands élèves du Cheikh Rabi', c'était le Cheikh Nasir Khaloufa ibn Mohammed Tayyash. Il fait partie des premiers qui ont étudié avec le Cheikh. Son nom c'est Nasir Khaloufa ibn Mohammed Tayyash Mubaraki, الذي درس على الشيخ عبد الله القرعاوي وأحبه حبا صادقا ولزم درسه بشغف شديد ورغبة عالية في طلب العلم وانقطاع تام لتحصيله حتى نال حظا وافرا منه فمن هو من أوائل من التقى بالشيخ. Donc le cheikh ici il dit que c'est parmi les élèves, donc le cheikh Nasir Khaloufa Ibn Mohammed Tayyash Mubaraki, c'est un des premiers qui a étudié avec le cheikh Abdullah Al-Qarawi et il l'a aimé d'un amour sincère, il a étudié avec lui et il avait un grand amour pour la science, un grand amour pour la quête du savoir et il était très motivé et il se consacrait uniquement à la science et c'est pour ça qu'il en a obtenu une grande part وكون لنفسه مكتبة ضمت مجموعة لا بأس بها من الكتب في الفنون المختلفة وفتح حلقة تدريس تستمر معظم أوقات الليل والنهار يتولى فيها تدريس الوافدين من خارج المملكة وداخلها من أماكن بعيدة. Donc il a établi pour lui-même une belle bibliothèque hein, qui contient un grand nombre de livres dans différentes sciences islamiques et il avait même un cercle d'études qui continuait pendant la plupart des heures de la nuit et du jour et les gens se succédaient à enseigner à ceux qui venaient de l'extérieur de l'Arabie Saoudite et de l'intérieur du royaume de l'Arabie Saoudite, des endroits qui sont parfois très éloignés. وقد ساعده هذا العمل الجليل على تنمية معلوماته حتى تأهل للفتوى وحل المسائل العويصة التي قد تشكل على طلبة العلم واستمر على هذه الحال حتى التحق بعضوية هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. Donc il a continué à aider dans ce noble travail, dans ce grand travail et à augmenter sa science jusqu'à ce qu'il soit capable devienne apte à faire la fatwa et à répondre dans des questions plus difficiles qui étaient compliquées pour les étudiants en sciences et il a continué dans cette situation-là jusqu'à ce qu'il devienne un membre du comité de l'ordonnance du bien et de l'interdiction du mal. فقام بهذه الوظيفة خير قيام بتوجيهاته الحكيمة للناس وبذل النصح لهم والإسهام في حل مشكلاتهم من أجل إقامة دين الله وشرعه العظيم. Donc il a continué à donner le conseil et à prendre cette tâche et ce travail en orientant les gens de façon sage et en leur donnant le bon conseil et en essayant de résoudre leurs problèmes pour arriver à établir la religion d'Allah et sa législation. وكان من المعروف عنه أنه إذا سمع بمنكر غضب غضبا شديدا تظهر علاماته على وجهه ولا يهدأ له بال حتى يغير ذلك المنكر. Et parmi les choses qui étaient connues de sa part, c'est que lorsqu'il entendait d'un mal, il se fâchait d'une colère très forte et on voyait les signes de cette colère dans son visage et il ne se calmait pas jusqu'à ce que ce mal soit changé. ولا غرابة في ذلك فهذه صفات أهل العلم والتقوى تنشرح صدورهم بفعل الطاعات وتتكدر وجوههم عند ارتكاب المعصية. Donc ça c'est une des caractéristiques des hommes de science et de piété hein, lorsque ils voient des actes d'obéissance pour Allah leur poitrine s'élargit et lorsque ils voient des péchés qui sont commis, eh bien leur visage devient yani rouge et, ou bien ils se mettent en colère. Donc ça c'est un des signes des gens de piété et de science. ثم انتقل من عضوية الهيئة ليلتحق بوظيفة التدريس بمعهد صامتة العلمي حين فتح عام 1374 فأخذ يمارس التدريس بطريقة نافعة ومفيدة تحمل التربية الحسنة للشباب حيث يشرح لهم عقيدة أهل السنة والجماعة ويبين لهم ما يضاد هذه الطريقة من طرق الطوائف المنحرفة وبقي في المعهد مدرسا ومربيا ومتعاونا مع هيئة التدريس على البر والتقوى. Et le cheikh, ensuite on explique que par la suite il est passé de ce travail au travail de l'enseignement par la suite lorsque l'institut c'est un institut de sciences qui a été ouvert dans la ville de Samita comme une université qui a été ouverte par la suite en 1374 et lorsqu'elle a été ouverte, eh bien, il est devenu enseignant dans cet institut et il a enseigné d'une manière bénéfique hein, et il faisait une bonne éducation pour les jeunes et il leur expliquait l'aqida d'Ahl Sunnah wal Jama'a et il leur clarifiait également ce qui oppose la voie d'Ahl Sunnah wal Jama'a parmi les différentes sectes des voies d'égarement et de déviation et il est resté professeur dans cet institut hein, et il est resté éducateur et collaborateur avec le comité de l'enseignement pour le bien et la piété. وهذا بالإضافة إلى قيامه بالإشراف المباشر على المدرسة السلفية التي بنيت بجوار بيته وكان مديرا لها قبل ذلك قد أصبح مرجعا للمدرسين في هذه المدرسة يلبي طلباتهم ويوجههم إلى ما ينبغي أن تكون عليه المدرسة السلفية وطلابها من الجد والاجتهاد من الجد والاجتهاد وحسن النظام في سير الدراسة. Donc le cheikh il dit que il continuait en même temps يعني d'être responsable directement de l'école salafie qui était construite à côté de sa maison. Il en était le directeur jusqu'à ce et également il était considéré comme une référence pour les professeurs dans cette école et il répondait à leurs demandes et il les orientait et puis il leur expliquait comment devait être l'école salafie et comment il motivait également les étudiants à être sérieux et à faire des efforts et à être bien organisés dans leurs études. وقد استمر الشيخ ناصر خلوفة على هذا وذاك حتى أحيل للتقاعد وبقي بعد إحالته بالمدرسة السلفية مدرسا لمن يرتاد المدرسة من طلاب العلم مفتيا بالمنطقة وملازما لتلاوة القرآن الكريم وتعليمه متعاونا مع الدعاة وأهل الحزبة بالرأي السديد والتوجيه السليم من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وبقي على هذا العمل حتى وفاه الأجل المحتوم ليلة الخميس الخامس من ذي القعدة عام 93 و300 للهجرة رحمه الله وأسكنه جنته. Donc le cheikh il a continué à enseigner et à faire cette chose-là jusqu'à ce qu'il prenne sa retraite par la suite. Et même après sa retraite, il a continué à enseigner dans l'école salafia et à enseigner donc aux étudiants et à faire des fatwas pour les gens de la région du sud. Et il continuait toujours à réciter le Coran al-Karim et à l'enseigner. Et il aidait les du'ats, les gens qui appellent à Allah, et les gens qui ordonnent le bien et interdisent le mal. Il leur donnait des bons conseils, il leur donnait son point de vue, il les orientait de façon correcte selon le Coran et la Sunna du messager sallallahu alayhi wa sallam. Et il restait ainsi jusqu'à ce qu'il meure, rahimahullah, dans la nuit du jeudi, le 5 de Dhul-Qa'da de l'année 1393 de la Hijra, que Allah lui donne son paradis. Donc ça, c'est un des shuyukhs, de un des élèves du cheikh, Abdullah Al-Qar'awi, et il était également un des shuyukhs de Cheikh Radi'a. Parce que justement ici, juste après avoir mentionné qu'il avait étudié avec le Cheikh Mohammed ibn Mohammed Jaber al-Madkhali, on va lire sa biographie tout à l'heure, il a étudié également, il dit, « ثم انتقل إلى المدرسة السلفية بمدينة صامتة وأخذ عن العلامة الفقيه ناصر بن خلوفة طياش رحمه الله وهو من أكبر طلاب العلامة عبد الله القرعاوي فحضر شيخنا عليه في بلوغ المرام ونزهة النظر للحافظ بن حجر العسقلاني. Donc ensuite, le Cheikh Rabi' rahimahullah, il est rentré dans la madrasa salafia du Cheikh Al-Allama Nasir Khaloufa Tayyash rahimahullah, qui était un des plus grands élèves du Cheikh Abdullah Al-Qar'awi. Il a étudié dans son école salafia et il a assisté aux durus du Cheikh lorsqu'il enseignait Bulugh al-Maram et Nuzhat al-Nadhar du Cheikh, écrit par le Cheikh Ibn Hajar al-Asqalani. Aïna'am. Wa darasa fil ma'had al-ilmi bi samitah wa tatalmada ala al-allama al-hafidh al-athari Hafidh ibn Ahmad al-Hakami المتوفى سنة 1377 رحمه الله وغيره من العلماء الأجلاء. Donc le cheikh, il explique ensuite qu'il est rentré dans l'institut de la faculté de sciences de Samita. Par la suite, il a étudié avec le cheikh al-Hafidh Ahmad al-Hakami, Hafiz ibn Ahmed al-Hakami. Donc il a étudié avec le Cheikh Hafiz al-Hakami. Et ici il y a une note. Il dit: سألت شيخنا حفظه الله قائلا ذكرتم أنكم درستم على الشيخ حافظ حكمي قال فقال نعم قلت لقد كان موته قبل القرعاوي فلماذا لا يذكر القرعاوي من مشايخكم فقال أنا درست على القرعاوي ولكن كنت صغيرا وكان يدرس في الجرادية وكنت أسأله كثيرا حتى أنه أهدى لي دفترا وكان هذا الدفتر معي إلى أن تخرجت من المعهد هو ومخطوطات الشيخ حافظ فسافرت إلى الرياض للدراسة ورجعت بعد 3 أشهر وقد كنت وضعتها في صندوق فلما رجعت وجدت الأرض أكلتها. Donc le Cheikh Abu Hammam Sawma'i al-Baydani, il pose la question au Cheikh Rabi' hafizahullah. Il dit: vous avez mentionné que vous avez étudié avec le Cheikh Hafiz Hakami rahimahullah. Il a dit: oui, c'est vrai. Alors il lui dit: la mort du Cheikh Hafiz al-Hakami était avant la mort du Cheikh al-Qar'awi. Alors pourquoi vous ne mentionnez pas le Cheikh al-Qar'awi parmi vos shuyukhs? Le Cheikh, il dit: j'ai étudié avec le Cheikh al-Qar'awi, mais j'étais petit. Et il enseignait dans la ville de Jaradiyya, la ville où le Cheikh Rabi' est né. Et je lui posais la question. Il dit: je lui posais des questions, beaucoup de questions, jusqu'à ce qu'il me donne un cahier, il m'a donné un cahier, et ce cahier je l'ai gardé jusqu'à ce que je sois gradué de l'Institut de Sciences de Samita. Et j'avais également des manuscrits également du Cheikh Hafiz. Il dit, mais quand j'ai voyagé à Riyad pour étudier, quand je suis revenu, après 3 mois, je les avais mis dans une boîte, et lorsque je suis revenu, les mites ou les insectes les avaient mangés. Il avait mangé les manuscrits qu'il avait laissés. Donc il a étudié également avec le Cheikh Abdullah Al-Qara'awi, également, comme le Cheikh l'a mentionné, mais il était petit à cette époque. Donc, il fait partie aussi de ces choses avec le Cheikh Hafiz Hakami. On va lire également la biographie du Cheikh Hafiz Hakami pour savoir qui il était également. Le Cheikh Hafiz Hakami. نعم شيخ حافظ ابن أحمد ابن علي الحكمي الحكمي نسبة إلى الحكم ابن سعد العشيرة من مزحج أشهر وأعظم قبيلة من شعب كهلان ابن سبأ ابن يعرب ابن قحطان والله أعلم. ولد رحمه الله في قرية السلام عام 1342 التابعة لمدينة المضايا، وهي إحدى قرى منطقة جازان. نشأ في أسرة مشهورة بالصلاح، فختم القرآن صغيرا وهو راع للغنم. سبحان الله. حبب إليه العلم من الصغر، ولما جاء الشيخ عبد الله القرعاوي وبدأ يدرس في عام 1359 اتصل به الشيخ حافظ عن طريق الكتابة، وهو في قرية الجاضع إحدى القرى التابعة لمحافظة صامطة بواسطة أخيه الأكبر محمد رحمه الله. فلما وصل إليه خطابه أعجب بخطه وذهب إليه ومكث في قريته بضعة أيام، فأعجب به الشيخ عبد الله القرعاوي غاية الإعجاب، وطلب من والديه الذهاب به إلى صامطة مقر المدرسة السلفية، فالتحق بعد ذلك بالمدرسة السلفية بصامطة عام 1360 هجريا، وتفرغ للدراسة في خلال سنتين تقريبا من دراسته، حوى علما كثيرا وحفظ متونا ومنظومات عديدة في فنون العلم المختلفة، وبدأ في التأليف عام 1362 هجريا، بلغت حوالي 23 مؤلفا، منها ما هو مطبوع ومنها ما لم يطبع. دونك الشيخ كيس كيل دي ابروبو دو شيخ le cheikh s'appelle Hafiz ibn Ahmed ibn Ali al-Hakami. Al-Hakami, référence au cheikh Hakam ibn Sa'd, référence à Hakam ibn Sa'd, la famille de Mizhaj, pardon, une des plus grandes tribus de Kahlan ibn Saba ibn Ya'rib ibn Qahtan. Wallahu a'lam. Il est né, le Cheikh Hafiz, dans la ville de As-Salam en 1342. Et c'est une ville qui est associée à, yani une des villes qui est associée à la région de Jazan. Et il est né dans une famille célèbre, une famille qui était connue pour sa bonté. Et yani, il a terminé le Coran alors qu'il était tout petit. Il était un berger qui amenait les moutons, et il mémorisait le Coran et il aimait la science depuis qu'il était petit. Lorsque le Cheikh Abdullah Al-Qara'awi est venu dans la région, il a commencé à enseigner en 1359 de la Hijra. Non, le Cheikh Hafiz lui a écrit une lettre alors qu'il était dans la ville de Jadir, une des villes de la région, dans la région de Samita. Il lui a envoyé cette lettre par son frère, son grand frère, Mohamed Al-Hakami. Et lorsque le cheikh a reçu cette lettre, il a été étonné par, et il a aimé son écriture, Et il est parti le voir. Il est resté avec lui quelques jours. Et il a aimé beaucoup le Cheikh. Le Cheikh Abdullah Al-Qar'awi a beaucoup aimé Hafiz Al-Hakami. Il a été très étonné par lui. Et il lui a demandé, il a demandé à ses parents de le laisser partir à la ville de Samita, hein, là où il y avait l'école salafia. Et donc il est rentré dans l'école salafia à Samita en 1360. Et il s'est libéré totalement pour la science. Et pendant deux ans, à peu près, il a obtenu, où il a appris beaucoup de sciences, il a mémorisé beaucoup de textes de livres de Moutoun, hein, des livres de sciences, et il a mémorisé également des poèmes, c'est pas de la poésie, mais c'est des livres de sciences qui sont mis sous forme de vers. Donc il en a mémorisé un grand nombre dans différentes sciences, et il a commencé également à écrire en 1362, et il a écrit environ 23 livres. Hein, 23 livres, certains d'entre eux sont publiés, d'autres ne sont pas encore publiés. Le Cheikh il dit ensuite, وله أعمال جليلة لا يتسع المقام لذكرها في هذا السفر الصغير في هذا السفر الصغير. مات رحمه الله يوم السبت من سنة 1377 هجريا. Il est mort le 18e jour du 12e mois de 1377. Il avait 30 ans environ, rahimahullah, si je me souviens correctement. Il était très jeune quand il est décédé, rahimahullah. Et malgré son jeune âge, il a écrit de grands livres. Et donc, il y a beaucoup plus de détails disponibles dans d'autres livres. Mais là, ça c'est ce livre-là, où il y avait juste un petit résumé de sa biographie, rahimahullah. Naam. Donc, parmi les chouyoukhs également, il y avait un autre cheikh qui s'appelle Muhammad ibn Muhammad ibn Jabir. C'est celui dont on a parlé tout à l'heure, celui qui a enseigné au cheikh Rabi', la lecture du Coran, le tawhid et le tajwid. Donc c'était le cheikh Muhammad ibn Jabir ibn Hadi al-Madkhali. C'est un des plus anciens parmi les élèves de cheikh Abdullah al-Qar'awi. Donc le cheikh dans le livre sur la biographie du cheikh Abdullah al-Qar'awi, qui est écrit par le cheikh Moussa ibn Hasir ibn Ahmed al-Sahli, le titre du livre c'est Al-Sheikh Abdullah ibn Muhammad al-Qar'awi, da'watuhu fi junoub al-mamlakat al-arabiyyat al-Saoudiya. Naam. Donc, qu'est-ce qu'il dit à propos de ce cheikh, un des élèves du cheikh Abdullah al-Qar'awi, أحد سكان قرية الجرادية الواقعة غرب مدينة سامطة، وهو من رؤساء القرية، وشهرته في المجتمع بين القبائل لا تخفى، وقد التقى بالشيخ عبد الله ابن محمد القرعاوي فور وصوله سامطة عام 1358 هجريا، ودرس على يديه حين بدأ بالتدريس في مدينة الصامتة بتاريخ 21 ربيع الأول من العام نفسه الذي وصل فيه إلى الجنوب للدعوة إلى الله، وقد درس بحب ورغبة أكيدة وعزيمة صادقة وجد واجتهاد بالليل والنهار حتى استفاد فائدة عظيمة في تحصيل العلم والتفقه في دين الله، ولازم الشيخ في الدراسة والتجوال إلى القرى والأرياف للدعوة إلى الله والقيام بعمل الحسبة والإصلاح، وكان واعظا حكيما يستحضر الآيات القرآنية والأحاديث النبوية والأمثال العربية في وعظه وإرشاده للجماهير ولا يمل في ذلك ولا يكسل يعني ويحب العلماء والمتعلمين كما يحب مذاكرتهم في المسائل كما وكان صادقا مخلصا يحب الصادقين والمخلصين وقد رافقته في الدعوة إلى الله زمنا طويلا لمست فيه تقوى الله والغيرة لدين الله وكان مهابا بين قومه وإخوانه. Qu'est-ce qu'on dit de ce Cheikh Mohammed ibn Jabir ibn Hadi al-Madkhali, un des premiers qui a enseigné le Cheikh Rabi'a? Il était un des habitants de la ville de Jaradiya, la ville du Cheikh Rabi'a, qui est à l'ouest de la ville de Samita. Et il faisait partie des chefs de la ville, des chefs du village. Et sa réputation dans la société, entre les tribus, elle était pas méconnue. C'est-à-dire, il était très connu. Et il est rentré dans, il est aussitôt que le cheikh Abdullah ibn Muhammad al-Qar'awi est arrivé dans le sud, il est parti à sa rencontre. Lorsqu'il est arrivé à Samita en 1358, et il a étudié avec le Cheikh lorsqu'il a commencé à enseigner au tout début, lorsqu'il est arrivé à Samita le 21 de Rabi' al-Awwal de la même année. Donc il a commencé tout de suite à étudier avec lui lorsque le Cheikh est arrivé dans le sud pour faire la da'wa à Allah, et il a étudié avec amour et avec désir. Et il était déterminé et motivé, et il était sincère. Et il était sérieux et il faisait des efforts nuit et jour pour profiter de la science, et il a profité d'un grand bienfait dans cette science qu'il a obtenue et dans la compréhension de la religion d'Allah. Et il est resté avec le Cheikh dans son enseignement, et il a fait également des voyages avec le Cheikh de ville en ville, de village en village, pour faire la da'wa à Allah et pour établir l'ordonnance du bien, l'interdiction du mal, et pour faire la réforme dans les différentes villes, les différents villages. Et il était quelqu'un qui était très sage dans ses exhortations, et il se rappelait très facilement des versets du Coran et des hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et des exemples de proverbes arabes dans ses exhortations lorsqu'il parlait et lorsqu'il s'adressait aux assemblées. Il se fatiguait pas, et non plus il s'ennuyait jamais de continuer à parler, d'expliquer et d'exhorter les gens. Et il aimait les ulama, il aimait les étudiants, il aimait mémoriser et se rappeler de la science avec eux et les différentes questions de science. Et il était sincère, et il aimait les gens sincères et les gens véridiques. Et l'auteur du livre, Il dit, j'ai été son compagnon dans la da'wa pendant un long moment, et j'ai senti en lui la piété, la crainte d'Allah et la jalousie pour la religion d'Allah. Et il était respecté par les gens de son peuple et par ses frères. وإذا رأى منكرا أو سمع عنه غضب لله ولا يهدأ له بال حتى يقوم بإزالته بأي وسيلة من الوسائل ولا يجامل ولا يرائي في الدين وقد ترافقنا في تغيير كثير من المنكرات في قرى عديدة فوجدته يغار لدين الله وكان من المحبين للشيخ القرعاوي وكان يذهب به معه إلى بيته لإكرامه فمرض الشيخ القرعاوي في بيت تلميذه هذا وأصيب بحمى شديدة أدت به إلى البقاء وملازمة فراش المرض وقد بقي مريضا شهرا كاملا وكنت أزوره فأجد تلميذه محمدا عند رأسه ويبحث له عن الطعام الذي يحب أكله يعني واشتغل به كثيرا في حال مرضه وهو وعمه شقيق والده شيخ القبيلة في حينه عبد الله بن جابر مدخلي الذي كان من أنصار الشيخ القرعوي في دعوته. وقد ذكرت ذلك في ترجمة الشيخ إخبارا بالواقع بما حصل للشيخ القرعوي في حياته، فقد قام بخدمته خير قيام حتى تماثل للشفاء. ولما شفي الشيخ من المرض قام معه بجولات عديدة للدعوة إلى الله، وقد اشتغل الشيخ محمد جابر بالتدريس والدعوة إلى الله محتسبا لما عنده من الثواب، ثم توظف مديرا ومدرسا تبعا لوزارة المعارف، وبقي بالوظيفة حتى أحيل إلى التقاعد، ثم فتح حلقة تدريس في بيته لأسرته وبالمسجد بعد صلاة الفجر للجماعة، وقد لازم الذكر بالتلاوة لكتاب الله وغيرها. وقبل ذلك عين رئيسا لقبيلته، فكان دائما يقوم لهم بالنصائح والتوجيهات الحكيمة، ويتجول عليهم لإرشادهم. وقد مرض ونقل إلى المستشفى العام بمدينة صامطة، ولم يغب ذهنه، وكان يقوم بالنصائح أيضا في حال مرضه بالمستشفى. وقد وافاه الأجل المحتوم بعد صلاة الفجر بتاريخ 1407 يعني هجريا. Donc le cheikh il dit que lorsqu'il voyait quelque chose de mauvais ou qu'il entendait quelque chose de mauvais, il se fâchait pour Allah et il ne devenait pas calme jusqu'à ce qu'il avait éliminé ce mal par tous les moyens possibles. Et il ne faisait pas de façon à personne. Il n'essaie pas de faire de l'ostentation dans la religion, ni de parler de façon pour faire plaisir aux gens dans la religion d'Allah, non. Et l'auteur du livre dit, j'étais souvent parti avec lui pour faire pour changer des choses qui étaient incorrectes dans différents villages, et je l'ai trouvé comme étant quelqu'un qui avait une jalousie pour la religion d'Allah, et il faisait partie des gens qui aimaient le cheikh Al-Qarawi. Il partait souvent avec lui dans sa maison pour lui faire preuve de sa générosité et pour l'honorer. Il lisait au cheikh et liyaqra alayhi al-cheikh, donc pour que le cheikh lui lise les livres et pour qu'il le cheikh lui explique ce qu'il lisait au cheikh. Et il dit que il est parti une fois ذهب معه مرة إلى قريته لإكرامه. Donc il est parti une fois dans son village pour visiter le cheikh et pour honorer le cheikh dans la maison de son élève. Attends. وقد ذهب معه مرة إلى قريته. Donc une fois il a amené le cheikh Abdullah Al-Qarawi avec lui dans son village, et le cheikh Al-Qarawi est tombé malade. Il est resté dans la maison de son élève, du cheikh Mohammed ibn Mohammed Al-Madkhali. Donc il est resté chez lui, et c'est lui qui s'est occupé du cheikh pendant sa maladie. Il a été frappé d'une grosse fièvre, et il est resté pendant un mois malade chez lui, et c'est lui qui s'est occupé de lui. Il dit, une fois je l'ai visité chez son élève Mohammed, et lorsque je suis allé le voir, eh bien son élève était, donc le cheikh Mohammed Madkhali, il était à sa tête, et il lui ramenait de la nourriture pour qu'il puisse manger, et il s'occupait beaucoup de lui durant sa maladie, lui ainsi que son oncle qui était à l'époque le cheikh de la tribu à ce moment-là. C'était Abdou ibn Jabir al-Madkhali. Donc il faisait partie son oncle faisait partie des gens qui défendaient le cheikh al-Qarawi dans sa da'wa. Et je l'ai mentionné, il dit, l'auteur, il dit, j'ai mentionné ça dans sa biographie lorsque j'ai fait la biographie du cheikh en expliquant qu'est-ce qui lui est arrivé durant sa maladie. Il dit ensuite, donc il a servi le cheikh al-Qara'awi jusqu'à ce qu'il se sente mieux et qu'il soit guéri. Et lorsque le cheikh a été guéri, eh bien, ils sont partis ensemble faire des visites dans différentes villes et différents villages pour faire la da'wa à Allah. Et le cheikh Mohamed Jaber, il a fait également de l'enseignement et beaucoup de da'wa. Donc, il était beaucoup occupé par la da'wa et par l'enseignement et par le fait d'ordonner le bien et interdire le mal. Et il a été également un directeur et un enseignant qui travaillait pour le ministère de l'enseignement. Et donc il est resté dans ce poste, il est resté dans ce poste jusqu'à ce qu'il prenne sa retraite. Puis après sa retraite, il a ouvert une halaqa et il enseignait dans sa maison à sa famille et également il enseignait également à la mosquée après la prière de Fajr pour les gens de la tribu. Et il récitait tout le temps le Coran, il faisait le dhikr. Il était, par la suite, il a été désigné comme le chef de sa tribu par la suite, et il donnait toujours aux gens de sa tribu des conseils et des orientations sages, et il se promenait parmi eux pour les orienter. Et lorsqu'il est tombé malade, il a été amené à l'hôpital général de la ville de Samita. Mais il a gardé sa conscience pendant tout ce temps-là. Il est resté conscient et il continuait toujours à donner des bons conseils, même quand il était malade à l'hôpital, jusqu'à ce qu'il meure après la prière de Fajr le 13 du troisième mois de la Hijra, l'année 1407. Donc ça, c'est qui? C'est le Cheikh Mohammed ibn Jabir ibn Hadi al-Madkhali, qui était le cheikh qui a enseigné au cheikh Rabi' le tajwid, le Coran et le tawhid. Donc ça, c'est après. Donc ça, c'est les deux élèves les plus grands de cheikh Abdullah al-Qara'awi, qui sont les deux chouyoukhs, les deux premiers chouyoukhs de cheikh al-Qara'awi, avec également le cheikh Hafiz Hakami, qu'on a mentionné tout à l'heure. Ok, donc on va mentionner encore d'autres, aussi. Cheikh, il a étudié avec un autre cheikh qui s'appelait Mohamed Sarir Khamisi. Attendez, on va voir si on peut trouver cette biographie là aussi. Mohamed Sarir Abdul Muhsin. Mohamed Sarir Abdul Muhsin. Est-ce que c'est le même? Je crois que oui. وكان من الطلاب المتميزين وقد كان عالما فاضلا مارس مهنة التدريس في المعاهد العلمية بمعهد صامطة العلمي معهد نجران حتى توفاه الله. وقد اشتهر رحمه الله بالقدرة على الخطابة وحسن الصوت في القرآن وحبه لإخوانه وزملائه وتفقدهم بالزيارة حين من حين لآخر. نعم. Donc lui, c'est un des élèves également, parmi les élèves exemplaires du cheikh Abdullah al-Qara'awi. C'était un grand savant. Il faisait partie également du comité de l'enseignement dans l'institut scientifique de Samita, et de l'institut de Najran, jusqu'à sa mort, rahimahullah. Et il était connu comme quelqu'un qui avait la capacité de de faire les discours et il avait une belle voix lorsqu'il récitait le Coran et il aimait ses frères et ses compagnons. Hein, et lorsqu'il ne les voyait pas depuis longtemps, il allait les visiter. Hein, il allait les visiter. Également, parmi les chouyours avec qui le cheikh a étudié également, donc avec ce cheikh Mohammed ibn Sahir Khamisi, il a étudié quoi? Darasa Zad al-Mustaqni' ala sahib al-Fadil al-Sheikh Mohammed ibn Sahir Khamisi, rahimahullah. Donc il a étudié avec lui le livre Zad al-Mustaqni'. C'est un livre de fiqh. Hein? Wa akhada sama'an wa qira'atan على الشيخ العلامة المحدث الفقيه أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله وقد قرأ عليه مؤخرا في بداية صحيح البخاري بمحضر جمع من المشايخ والفضلاء وكان ذلك بمنزل شيخنا بمكة. Donc également parmi les شيوخ de Sheikh Rabi المدخلي il y a le Sheikh Ahmed النجمي. Et Al-Najmi, c'est aussi une tribu très connue du sud c'est une ville dans la région du sud. Et beaucoup de Shuyukh, justement, font partie des gens de ce nom-là, parmi les élèves du Cheikh Abdullah Al-Qar'awi, comme le Cheikh Hassan ibn Muhammad Al-Najmi, le Cheikh Hussein ibn Muhammad Al-Najmi. Et le cheikh, il y en a d'autres également, et parmi eux aussi, il y a le cheikh, justement, Ahmed al-Najmi, parce que le cheikh Ahmed al-Najmi a étudié avec le cheikh, avec le cheikh Abdullah al-Qar'awi, juste pour vérifier aussi, à quelle année le cheikh Ahmed al-Najmi il est né en fait en 1346. Donc le cheikh Ahmed al-Najmi est plus vieux que cheikh Rabi de 3, 4, 5, 6, je crois 6 ans de plus que cheikh Rabi. Donc cheikh Ahmed al-Najmi, il a 6 ans de plus. Il est né en 1346 et Cheikh Rabi, il est né en 1352. Donc, il a étudié avec le Cheikh Abdullah al-Qar'awi. Il a étudié avec le Cheikh Abdullah al-Qar'awi. On va lire la biographie de Cheikh Ahmed al-Najmi aussi au prochain cours, mais à la suite de cette conférence. Parce que compléter cette conférence-là en juste une fois. Bien entendu, le sujet, il est grand. Donc, il faut qu'on se prenne à plusieurs conférences pour arriver à conclure ce sujet. Parce que je veux que les choses soient claires et que les choses soient comprises. Que les gens puissent savoir de qui on parle pour que les gens arrêtent de dire n'importe quoi. Et pour que les gens arrêtent de manquer de respect envers les ulama, hein, et qu'ils ne se permettent pas de calomnier ou de mentir sur Cheikh Rabi et sur la da'wa salafiyya. Donc on va donc s'arrêter ici aujourd'hui et on va essayer de faire la suite de cette conférence inshallah jeudi prochain. Hein, jeudi prochain à la même heure. On va faire la troisième partie, bi'idhnillah. Donc, je remercie le frère Abdul Malik de Sunnah Publication, hein, qui a accepté de diffuser cette conférence-là dans sa radio, et également donc tous les frères et sœurs qui ont assisté, qui ont écouté à cette conférence, inshallah. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous aider à devenir meilleurs, à nous purifier nos cœurs, nos intentions, nos actions, nos paroles. pour qu'elle soit plaisante à Allah subhanahu wa ta'ala et pour qu'il nous rapproche des hommes de science, pour qu'il nous éloigne des gens de l'ignorance et de la fitna et qu'il nous augmente en piété, en sincérité et allez donc à la prochaine bi'idhnillah. Barakallahu fikum wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.